Dis-moi donc, dis-moi donc, Zig. Ouais, en fait, j'ai une carte de son simple. Une simple carte de son, mais l'interface audio, c'est indépendante de la carte de son. Je sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Hello. Hello, Klaus. Il est parti. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Oh, excuse-moi. En fait, j'étais en train de lire sur le chat. Et en fait, ça défile pas automatiquement. Alors, je disais. Ouais, les diamants pour les processeurs. Ouais, ça va pas être donné. Hein, ouais, j'ai une interface audio, comme je t'ai dit, et je peux brancher en fait. Il y a une entrée XLR pour le micro que j'utilise actuellement, et puis une entrée jack 3 pouces 5 pour la guitare. J'ai contrôle de volume en façade pour chaque entrée et deux sorties jack. Mais bon, je sais pas. Le son, en fait, par rapport à Jonas tout à l'heure, il était un peu faible. Mais est-ce que tu entendais mes effets? L'effet de le son saturé et tout. Parce que tous les effets passent directement sur le boîtier, en fait. Et en fait, ma carte son, mon PC, il sert juste à alimenter le boîtier par USB, et puis à relier le son sur l'entrée ligne de la carte son. Ouais, mais en fait c'est pour savoir si ouais, le son acoustique. J'ai aussi une guitare classique. Enfin, c'est pas le même style de jeu. Attends, je vais la mettre. Hello, Sinek. Oh, non, ça marche pas. je vais changer de. On va voir ce que ça fait. Voilà. Là, j'ai mis les effets. On entend direct la guitare. Ouais. Enfin, j'ai déjà testé. J'ai essayé de sortir des sons avec Reaper, mais j'ai pas réussi. Ah ouais, c'est des effets graphiques. Enfin, je sais pas, j'ai dû réussir à mettre un peu de reverb. Mais là, tu m'entends avec le mic, avec un peu de reverb. Ah, c'est bon, hein. Tu m'entends? Il faut que je mette sur en dessous de input, en dessous de, il faut que je règle le center en décibel à 0, c'est ça? Ouais, sur Center, je l'ai mis à plus, j'ai réglé le volume sur mon canal, j'ai monté jusqu'à ce qu'il soit 0,0 décibels. Ça va, non? Là, tu m'entends bien, ça sature pas trop. Hein. House. Dust in the wind. Thank you. Ouais, c'est ça, c'est Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. T'entends un peu de reverb sur mon son? j'aime bien le. Tu connais Angra? Le groupe brésilien Angra. Est-ce que c'est un. Au début de la base, faut aller les voir. Hello, Angel.